mais par un long usage, elles ont la science de la faire exercer par leur propre mari. Oh chérie, veux-tu viens avec moi? Ton aimant veut danser. Le modèle de patience. Une dame aussi patiente que celle dont ici je relève le prix serait partout une chose étonnante, mais ce serait un prodige à Paris. Mon chéri, veux-tu viens avec moi? Ton aimant veut danser. Le modèle de patience. Paris, ville où les femmes sont souveraines. Veux-tu viens avec moi? Ton aimant veut danser. Le modèle de patience. Mon chéri, veux-tu viens avec moi? IMAX 2. Dames de Paris. Mais par un long usage, elles ont la science de la faire exercer par leur propre mari. Mon chéri, veux-tu viens avec moi? Ton aimant veut danser. Le modèle de patience. Jeune et sage beauté, ce modèle de patience, je ne me suis jamais flatté que par vous de tout point il serait imité, s'en serait trop en conscience. Mais par un long usage, elles ont la science de la faire exercer par leur propre mari. Paris. Les femmes sont souveraines. Paris, ville où les femmes sont souveraines. Paris, ville où les femmes sont souveraines. Paris, ville où les femmes sont souveraines. Paris, ville où les femmes sont souveraines. Paris,